Bonjour. Ou bonsoir. Aujourd'hui, on est le 27 octobre 2017, et après le 26 octobre 2017, qui est l'anniversaire, la date anniversaire de la mort de Rémi Fraisse, le 27 octobre, c'est la date anniversaire de la mort de Ziyad Ebouna. Et du coup, je vais faire plusieurs lectures en pensant à eux et en pensant à tout ce qui n'a non seulement pas changé, mais s'est aggravé depuis leur mort. Donc, voilà, c'est une petite série de textes trouvés pour la plupart sur le site qui s'appelle À toutes les victimes. Et ça s'écrit À toutes les victimes en un seul mot, en petit attaché. .samizdat.net. Je mettrai les références de toute façon dans le texte description des lectures.